بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا 11 في دراسة التوحيد إن شاء الله. C'est notre 11e rencontre autour de l'étude du monothéisme. فعقيدة السنة والجماعة أيها الإخوة معروفة ومصادرها كذلك. فمن أراد دراسة العقيدة ودراسة التوحيد دراسة صحيحة فعليه دراستها من مصادرها التي هي كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بفهم ونهج سلف هذه الأمة. أما دراستها عن المهوسين الذين يريدون أن يفهموا من أدلة الكتاب والسنة عقيدة غير عقيدة السلف، فأهل العلم يقولون لهم قد سبقكم أمم من الذين شهد الله لهم بأنهم ماتوا على الحق. أن الله عز وجل les croyances des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna il est connu. Et les sources de ces croyances sont connues aussi. C'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, selon la voie et la compréhension de nos plusieurs de Allah alayhi. Et celui qui veut étudier les croyances authentiques, ben il faut qu'il les prenne de là, du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension de nos plusieurs de Allah alayhi. Quant à ces minus qui nous entourent, qui veulent maintenant faire prendre du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam une aqida qui convient à leur voix et à leur groupe, ceux-là, les hommes de science leur disent, il y a des communautés qui vous ont devancé dans ce chemin-là, et ces communautés, Allah subhanahu wa ta'ala leur a attesté qu'ils sont sur la vérité. Qui sont ces communautés? Les compagnons de Mohammed alayhi sallam et leurs successeurs et les trois générations qui ont reçu l'éloge min Allah et min Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a tout le bien, il est dans cette voie-là, dans la voie de Mohammed alayhi sallam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Wa ulai qurun mufaddala kanu ala aqidatin hiya al-aqidatul haqq. وهؤلاء يبحثون الآن عن عقيدة لهم فلا يمكن. فأنت ولذلك أهل العلم يحذرون كل من عمل عقله في النصوص ليستخلص منها عقيدة، ويقولون أنت الآن قد ضللت وما اهتديت وما أنت من المهتدين، لأنك حدت عن الطريقة التي أراد منك الله سبحانه وتعالى. Donc, et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, c'était sur une aqida qui était authentique, qui était acceptée, agréée min Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, maintenant, ils cherchent une aqida qui leur convient. C'est pour ça que les hommes de science avertissent contre toute personne qui essaye d'immiscer sa raison dans les textes et mettre que sa raison commande les textes pour extraire à lui une aqida. Et ceux-là, les hommes de science leur disent, vous vous êtes égarés et vous ne faites pas partie des guidés. Parce que l'aqida, c'est fini, il est clôturé. L'éclaircissement de l'aqida, tous les domaines, tous les aspects, Salaf Allah alayhi nous ont suffi. Hein? Pas quelqu'un maintenant qui vient de sortir une aqida, que ce soit un Habashi ou là, un Ikhwani ou là. Il n'y a pas. Eux, comme nous, nous devons suivre les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. C'est la seule voie dans tous les domaines, que ce soit l'aqida ou là que ce soit autre. Fa l'aqida tu douinet, ou entahat. فمن أرادها فهي موجودة وهي عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله donc les croyants sont dans les livres maintenant ça y est ils sont ruinés. Plus de problèmes à se fatiguer pour réunir et savoir ce que c'est que les croyants. Ils sont là, ils sont présents. Et c'est les croyants sur lesquels étaient les nobles compagnons, Mohammed Ali, Sadou Salam, leurs successeurs et ceux qui les suivent à la perfection. Et ceux qui sont venus après eux, tous ceux qui suivent ce chemin-là, ben ils sont sur une aqida sahiha. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, restera toujours une faction de ma communauté. Rahmoukallah. Qui se cramponnera à la vérité, il sera sur cette vérité, et peu leur importe ceux qui veulent les détourner de la vérité, ou ceux qui sont en divergence avec eux, ils seront dans cette, sur ces situations-là jusqu'à la fin des temps. Donc les gens de la vérité existeront jusqu'à la fin des temps. Donc cette croyance saine, elle est là jusqu'à la fin des temps. S'en détourne celui qui cherche sa perte, celui qui veut s'égarer. Walidalikum. علماء هذه الأمة الربانيون المتبعون لسلفهم الصالح يحذرون شباب الأمة ألا يخوضوا في المسائل الكبار كمسائل التكفير فالحذر الحذر من هذا الباب لأنه باب خطير زلت فيه أقدام وتاهت فيه أفهام حذاري حذاري من هذه المواقع التكفيرية والتهيجية لأنها ستضلك أخ الإسلام و C'est eux les coques. C'est pour ça que les hommes de science dignes du nom, qui suivent la voie de leur plusieurs doigts, Allah alayhim, avertissent la jeunesse. Hein? Ils ne doivent pas s'occuper de sujets qui ne sont pas de leur niveau. Ils ne doivent pas s'occuper de choses qui ne sont pas de leur spécialité. Hein? Et surtout, au niveau du domaine d'Yel Tkfir, il faut faire très attention à ce chapitre-là. Car c'est un chapitre et c'est une voie qui est très dangereuse. Beaucoup de gens ont glissé. Et beaucoup de compréhensions se sont perdues là-dedans. Ils se sont égarés. Il faut faire très attention à ces sites d'Yel Tkfir et à ces rooms d'Yel Tkfir. Et ces sites dans lesquels on excite la jeunesse. On la pousse à se révolter contre ses gouverneurs, etc. Et à rendre les musulmans mécréants. فإذا درست أخ الإسلام توحيد والعقيدة ادرسه أولا لنفسك واعمل به ثم علمه من تحت ولايتك من حولك إن استطعت أما أن تنشغل بالأحكام على الناس فهذه مصيدة شيطانية وقع فيها الكثيرون من شبابنا هداهم الله وبسببها ظلوا وأظلوا وكم رؤية من هؤلاء الذين يطلقون الأحكام فلان كافر فلان زنديق فلان منافق كم رؤية من هؤلاء انتكسوا وتركوا الصلاة حلقوا لحاهم أسبلوا ثيابهم وبعدها قليلا فقليلا تركوا الصلاة مع المسلمين فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وقوله إن الدين يسر فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة نفان الله عز وجل كنت يتدي المونوتيسم Tu l'étudies d'abord, et tes croyances, tu les étudies d'abord pour toi, pour te débarrasser de ton ignorance. L'origine de l'être humain, c'est l'ignorance, comme il a dit Allah Azza wa Jal. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah il vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. Donc l'origine c'est, hein, c'est l'ignorance dans l'être humain. Combien de choses on ne connaissait pas et petit à petit on les apprenait et ainsi de suite. Et l'imam Ahmad rahmatullah alayhi a dit, la sincérité de la science c'est de l'apprendre pour soi-même, pour se débarrasser de son ignorance. Et après débarrasser les autres de leur ignorance. Donc quand tu apprends tes croyances, quand tu apprends tout ce que tu peux apprendre de ta religion, tu le prends pour toi-même et pour le mettre en application. Et après pour l'enseigner à ceux qui sont sous ta tutelle et sous ta responsabilité. Hein? Mais tu ne l'apprends pas pour émettre des sentences sur les gens. Celui-là il est kafir, celui-là il est zindiq, celui-là il est hypocrite, etc. Hein? Beaucoup parmi nos jeunes se sont perdus dans ce domaine. À passer leur temps à décréter que celui-là est les kafirs, celui-là est les indiques, etc. Ça les allume, même leur cœur endurci. Hein? Ça c'est une chose. Et le fait de propager les réfutations d'hommes de science, ça c'est une autre chose. Le fait de prendre un CD où là, des paroles du Cheikh Rabih, ou là de Cheikh Obaid, etc. et de les donner à quelqu'un pour qu'il soit averti. Ah, sur la situation d'un égaré, ça c'est autre chose. Il ne s'agit pas de ça. On n'est pas en train de parler de ça. Ça, ça fait partie de la religion et de la défense de la religion. L'avertissement contre les innovateurs. Mais, il nous est demandé aussi, à ce niveau-là aussi, d'être digne et de transmettre juste. Et si je ne peux pas, je ne sais pas transmettre comme il se doit les paroles du cheikh, je prends le CD ou la cassette et je la donne. Je dis, écoute Yahri, cette personne que toi tu es en train de suivre, regarde, écoute ce que disent les hommes de science. Et tu auras fait ce que tu as, hein, ton devoir. Mais rester devant les, à la fin de chaque prière, ou des fois, même on rate la prière, si on regarde les dorkat avant dor ou là avant l'asr, et rester devant la porte, est-ce que celui-là, il sera pardonné avec l'ignorance, ou là, est-ce que celui-là, il est mécréant, est-ce que le gouverneur de tel pays est mécréant, pas, c'est les filets d'Yal Shaitan, hein, et rester devant la mosquée, après les prières, pendant un quart d'heure, une demi-heure, et des fois, la personne ne fait même pas les invocations après sa prière, et il commence à décréter des sentences sur les gens. Ah, c'est une situation qui est très dangereuse et c'est une perte de temps. Combien de jeunes sont tombés sur leur tête en faisant ça? Les cœurs durcissent avec ça. Hein? Et combien ils se sont égarés. Et au début, ils étaient très bien dans la sunna. Et tout d'un coup, la barbe a disparu. Le kamis qui était mémolé, hein, a disparu lui aussi. A été remplacé par le djinn. Et le djinn qui traîne par terre. Et qui suit toutes les runes des chiens dans les rues, etc. Et il disparaît petit à petit de la mosquée, petit à petit du Jumu'a, et après, tu ne le vois plus. Il faut faire très attention. Pas se faire avoir par Shaitan. Hein? Et ceci trouve sa véracité dans la parole du prophète, Hassan a dit, c'est une personne qui sera dure dans la religion, et qui se sert la situation dans la religion, ben la religion va le vaincre. Hein? Il va tomber. Hein? C'est pour ça, il est dit dans le hadith, cette religion, c'est l'aisance, c'est la facilité. Donc essayez de faire et de rapprocher les situations et d'aller selon les capacités. Et attendez-vous les bonnes nouvelles et aidez-vous le matin, le soir, aidez-vous, c'est-à-dire vous œuvrez dans le bon sens le matin, le soir, etc. Donc il faut savoir être dans le juste milieu dans notre religion. Et le juste milieu, ça ne veut pas être laxiste. Hein? Ça ne veut pas être ne pas faire même le minimum. Hein? Et après dire, moi je suis dans le juste milieu. Et l'aisance et la facilité, il est dans la législation. Pas maintenant des actes qui n'en sont pas. Et tu me dis, ah, la religion c'est la facilité. La l'islam. La facilité, il est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et que du moment que ça sort de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ben ce n'est plus une facilité. وَيَّاكَ أَخَ الْإِسْلَامِ أَنْ تُشَدِّدَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكَ بَلُدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَأَنْتَ مُشْفِقْ عَلَيْهِمْ وَتَذَكَّرْ قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. Donc il fait très attention. Frère Allah Azza wa Jal ne sert pas et ne rend pas les situations difficiles aux gens. Parce que si tu agis ainsi avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera du même pour toi. Il te rendra les situations difficiles. Et quand tu y appelles, mais surtout appelle les gens vers le monothéisme. Et appelle-les avec sagesse et avec doigté. Utilise le langage qui convient à tout un chacun. Hein? Et sois et de la pitié pour eux. Et de la compassion pour eux. Hein? Et rappelle-toi, il dit dans le verset, ainsi vous étiez, Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé de son bienfait. Ainsi vous étiez auparavant. Combien de gens, combien parmi nous, ils étaient dans l'ahwal, hein? Et du jour du lendemain, il veut changer, il veut être le prophète de la cité. Hein? D'ailleurs, l'islam. Rappelle-toi d'où tu viens. Et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé avec la guidée, ben, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu aies pitié pour ceux que tu vois parmi tes frères qui sont encore dans l'égarement. Non pas que tu serres le vice sur eux, etc. et tu aides Shaitan sur eux. Alors si tu le serres, etc. et tout, il va dire, moi dégage, moi je suis tranquille dans ce que je suis. Hein? Mes copains là, ils ne me font même pas entendre, hein, les duretés que tu me fais entendre. Alors que de ta part, toi, qui se cramponne à la religion, il veut de toi des paroles qui vont l'attirer, une certaine, hein, douceur, une certaine compréhension pour pouvoir le sortir de là et l'aider à sortir de là. فالإنسان العاقل هو الذي يخوض في الأمور بالرفق فما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. Et l'être humain qui est doué de raison, lui quand il traite un sujet, il y va doucement dans ce sujet. Hein? Il y va avec douceur, car toute chose qui est accompagnée de douceur, il va être embellie. Et tout acte qui sera accompagné de sévérité, dureté, ben il est laid. Et il sera refusé par les gens. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَانَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ لِمَاذَا الْإِسْتِعْجَالِ إِسْتِعْجَالِ الْأُمُورِ وَإِسْتِعْجَالِ النَّتَائِجِ. Allah Azza wa Jal, les hommes de science disent, vous les jeunes, vous ne devez pas être pressés, presser les situations, être empressés. Hein? Pourquoi sont pressés? Pourquoi vouloir les résultats et vouloir cueillir les fruits avant d'avoir semé? Hein? Le fait d'être pressé, ça, c'est un défaut d'ir shaitan. Fa la nadri lima yada yakhudu shabab fi ma la yuhsinun. Hein? La nadri limada yakhudu ikhwanuna fima lam yukallifhum bihi Allah subhanahu wa ta'ala. La nadri limada yakhuduna fi ghayri takhassusatihim. Donc, des fois tu ne comprends pas pourquoi les jeunes s'occupent des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi ils s'occupent de sujets qui ne le concernent même pas. Pourquoi ils traitent des sujets, ils vont rentrer dans des sujets que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas fait obligatoire. Et ce n'est pas leur spécialité, ce n'est pas leur domaine. Et ils n'ont même pas le biyaba de ce domaine. Hein? Alors quand on réfléchit, quelqu'un qui veut, hein, réparer juste, il y a que ça, c'est un ordinateur qu'il se casse ou quoi que ce soit. Si je veux mettre la main pour le réparer, si je ne sais pas, je ne suis pas du domaine, hein, ils vont me dire, tu es fou toi. Pourquoi tu t'occupes de ça? Ce n'est pas ton domaine. Hein? Et pourtant, si je le casse, si gars, je crée des défauts dans cet ordinateur, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va changer? La perte, c'est dans l'argent, tout simplement. Mais quand il s'agit de la religion, c'est autre chose. Et pourtant, pour ce produit-là, on me demande de s'orienter vers les spécialistes. Et quand il s'agit de la religion, on ne veut pas s'orienter vers les spécialistes, vers les hommes de science. On veut faire à notre tête. Et quand on veut faire à notre tête, qu'est-ce qui arrive? Les catastrophes, les dégâts. Hein? Et des fois, on se plaint de ce qui se passe avec les darons et avec le commun du musulman dans la mosquée, mais si on s'auto-observe un petit peu, on voit qu'on est à l'origine des problèmes. Et le fait de le manque du savoir-faire et le fait de ne pas être digne du comportement de Mohammed alayhi salam et du Pizayel, ben ça amène à l'impasse. Et donc le défaut, il n'est pas... Il y a quelque part, le défaut, il est en nous. La budda min al-rifq. وشبابنا وعلماؤنا حفظهم الله تعالى لا يقولون كما يقول هؤلاء المخدوعون بالحضارة الزائفة هؤلاء الذين يلقبونكم بالرجعيين والمغفلين. Donc les hommes de science nous conseillent le fait d'être doux et d'aller doucement dans les situations et d'y gérer les situations avec sagesse. Et les hommes de science dignes du nom ne vous donne pas des noms et des surnoms comme le font ceux qui sont imbus par la civilisation soi-disant, qui disent de vous, vous êtes réactionniste, vous êtes révisionniste, je ne sais pas, vous êtes arriéré, vous revenez vers les siècles des ténèbres, et ainsi de suite. Parmi ceux qui vous entourent, il faut que vous viviez votre temps, et ainsi de suite. Les contes hommes de science, ils ne disent pas ça. Ils disent non. Ayez de la sagesse. Apprenez. Ayez de la science. Apprenez. Ayez de la sagesse. Occupez-vous de vous-même. À remédier à vos lacunes. À éduquer vos enfants. À éduquer vos femmes, etc. Et persévérez dans la voie dans laquelle vous êtes. Pas comme cela. Attendez, on vit dans un autre monde. Le monde a changé, la civilisation, etc. وهؤلاء ينسون أن هذه الحضارة هي السبب التلوث في المنهاج والسبب في الانفعالات الغير المنضبطة وسبب في تشدد والتطرف. فهذه الحضارة كما يزعمون لها نصيب في وجود هذه الاتجاهات المنحرفة. Ceux qui sont ébahis devant la civilisation et devant les progrès, ça pas pauvre que ces progrès, cette civilisation, c'est elle la cause de la pollution des voies. Quelque part, cette civilisation, elle est la cause de cet extrémisme. Et il a une part de responsabilité dans les orientations qui sont déviées. Pourquoi ? Parce que ces civilisations, ces progrès ne sont pas conditionnés par la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas conditionnés parce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'il est décrété dans la sunna de Muhammad alayhi sallam. Prends par exemple. Regarde. Verrons, on va amener le mal. Cette civilisation va amener le mal. Un homme de science dit que si une fille a 10 ans et que là, et c'est devenu une femme, etc., il peut être marié, sans problème. Ça fait un tollé quand le mufti d'Arabie Saoudite a fait ça il n'y a pas longtemps. Par contre, commercer sur les fillettes de 5, 7 ans, 8 ans, n'avance, c'est normal. C'est normal. Et ça, dans le progrès, dans la civilisation, et dans ce qui est dit démocratie, etc., où on est arrivé, où l'homme est arrivé à traverser, arriver à un progrès énorme, etc., ben non. Ce qui est normal, et ce qui est légiféré par Allah, non, ça c'est situation de ténèbres. Et la débauche, et le fait d'abuser des enfants, non, il n'y a pas de problème. Vous comprenez quelque chose? Où est la civilisation? Où est le progrès? فالعلماء عندما رأوا الشباب بالغ في الأمور قالوا إن من نتائج المبالغة في الفساد وفي الانحراف هي سبب. فالمبالغة في الفساد سبب من أسباب المبالغة في الأفكار المنحرفة التي أدت ببعض الشباب إلى التدمير والتفجير والتكفير وإصدار الأحكام على المجتمعات. فهذه الأحكام هي نتاج للمبالغة في الفساد. فالمتطرفون في فسادهم هم سبب من أسباب تطرف الشباب. ومع ذلك أهل السنة والعلماء لا يبررون أعمال الشباب مهما يكون. Donc, Fa'un Allah Azza wa Jal, quand les hommes de science ont vu que les jeunes sont allés aux extrêmes dans les situations, ils ont fait l'analyse de la situation, ils ont vu qu'en quoi le fait d'aller dans l'extrême du mal et de la perversité, c'est l'une des causes qui a poussé cette jeunesse à tomber dans l'extrémisme. Il y a envoyer des bombes, il y a se faire sauter dans un bus autre, etc. Et à émettre des sentences sur les gens, etc. Et à émettre des sentences sur les sociétés. Et donc ces actes de la part de la jeunesse, c'est une réaction par rapport à l'extrémisme de la perversité. Donc une extrême qui répond à une autre. Donc ceux qui sont dans l'extrême de la perversité, quelque part ils ont une part de responsabilité dans la naissance de cet extrémisme. Et malgré tout ça, les hommes de science disent, ne rendent pas valide l'acte des jeunes, ni ils les orientent. Ils disent, non, ce n'est pas une bonne voie. C'est pas parce qu'il y a l'extrémisme et on est arrivé au summum de la perversité qu'il faut agir n'importe comment. Et là, tu dois rester digne de la voie de tes plusieurs doigts Allah alayhi. Hein? لا يجرمنكم شنآن قوم لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. Faut pas que les façons, l'injustice de certains vous pousse à être injuste aussi. Là, vous devez être juste. Hein? فهذه الحضارة سببت في أمور كثيرة والناس تظن أنه لم تكن حضارة قبلها وهذا خطأ كذلك. Cette civilisation et ses progrès ont provoqué beaucoup de mal et beaucoup de malaise chez les humains. Et les gens croient que maintenant ce qu'ils voient entre eux, devant eux, que l'humanité n'est pas arrivée à quelque chose. Que maintenant l'humanité est arrivée au summum, le fait de traverser les cieux, traverser des distances à une rapidité pas possible. Autrefois, pour aller d'ici par exemple jusqu'en Arabie Saoudite, il faut un an, là, il faut 9 mois, etc. Maintenant avec 6 heures, étudier, etc. Ils croient qu'ils sont arrivés à un progrès exceptionnel. Pourtant c'est faux. Cette civilisation dans laquelle on vit, par rapport à ce qui a été connu dans le royaume de Suleyman alayhi salam, c'est du domaine de l'illusion. C'est du domaine de l'illusion. Suleyman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un royaume qui ne sied pas à quelqu'un d'autre après lui. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ô souverain, donne-moi un royaume qui ne suit pas à quelqu'un d'autre après moi. Assis dans sa réunion, et le trône de Saba se trouvait à 3000 km très loin, à moi pour y aller. D'accord? La distance entre là où il est à Jérusalem et l'endroit où se trouvait le règne de Saba, il était à une distance d'un mois au plus de marche pour pouvoir. Un djinn parmi les djinns lui dit, moi je te le ramène avant que cette réunion ne se termine. L'homme de science qui était à côté de lui, l'homme pieux, lui a dit, moi je te le ramène avant que tu n'aies cliqué des yeux. Et le trône était en face de lui. Pourtant, la description de trône, c'était un trône énorme. C'est-à-dire qu'à cette époque, il faisait des choses lourdes. Hein? Et il s'est retrouvé devant lui. Va me trouver une civilisation maintenant qui te ramène quelque chose de 3000 km avant que tu claques. Impossible. Hein? Et ceci semble peut sembler à ce qu'ils sont en train de rechercher maintenant ce qu'ils appellent la téléportation. Mais ils n'y sont pas encore arrivés. Hein? Mais ils ne pourront jamais y arriver parce que le royaume de Suleyman, personne ne peut l'avoir. Personne ne peut avoir un royaume tel que le royaume de Suleyman. Alayhi salatu salam. Et même le prophète alayhi salatu salam, il était dans la prière, un jour il a fait un geste, en prenant sa poigne dans la prière comme ça devant. Et après il a lâché. Et les compagnons lui ont dit, « Ya Rasulallah, nous t'avons vu faire un geste jamais que tu as fait dans la prière. » Il a dit, « Il y a un shaitan qui est passé devant moi et je l'ai attrapé jusqu'à ce que j'ai senti la froidure le froid de sa langue sur ma main. Et je l'ai lâché parce que je me suis rappelé le dua de mon frère Suleyman qui a dit Rabbi abli mulka la yanbaghi li ahadin ba'di. Et je l'ai lâché. Sinon, je l'aurais attaché au poteau de la mosquée et les enfants de Médine auraient joué avec. Donc, il ne faut pas cette civilisation. Certes, c'est du progrès. Mais qui a donné ce cerveau à l'être humain pour arriver à ce progrès? Sinon, Allah Azza wa Jal. Qui a mis les matières premières à la portée de cet être humain? C'est Allah Azza wa Jal. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, il vous a créé ce que vous faites. Donc tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Je l'ai déjà dit. Souverain, donne-moi un royaume qui ne suit pas à quelqu'un d'autre que moi. فتوحيد أخي الإسلام هو حق الله على العبيد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء إلي المونوتيزم فخيان الله عز وجل سلو دغوا يمكن ندبون نزاكتي vis-à-vis de الله سبحانه وتعالى إلي دي دون الفرسي الله سبحانه وتعالى ne pardonne pas qu'on lui fasse un associé il pardonne tout ce qu'il y a après à qui il veut. N'importe quel péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne à qui il veut. Mais l'associationnisme, il ne le pardonne pas. Idan, man alladhina wa'adahum Allah bil amn wal aman fi ad-dunya wal akhirah, al-muwahhidun akhir islam. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, ay bi shirk. Wal hadar al hadar min tafsir al-Quran bil uqul wal hawa. Donc à qui a été faite la promesse d'avoir la sécurité et la quiétude? Allah Azza wa Jal, cette sécurité, cette quiétude a été donnée aux croyants, aux monothéistes. Hein? C'est eux qui ont la promesse pour avoir la sécurité et la quiétude. Hein? Il est dit dans le verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. Ici, l'injustice, c'est quoi? C'est l'associationnisme. Il faut faire très attention maintenant de ne pas immiscer sa raison dans l'interprétation du Coran. Ni de traduire le Coran, de essayer d'expliquer le Coran selon ses passions. Comme a dit Oulaïkoum al-Jouha, alladhina yakouloun, qala azza wa jal, afala yakiloun, wa hada yani annastakhdima uqulana fin nusus, fal jahlu akhal islami da'un qatilun, wa dawa'uhu fitnan. لا ثالث لهما كتاب وسنة وذلك العالم الرباني كما قال ابن القيم رحمه الله عليه. Donc فان الله عز وجل pas non plus qu'on devient comme ces ignorants qui disent, il est dit dans le verset, est-ce que vous ne raisonnez pas? Donc il dit, on doit faire marcher nos ménages et raisonner sur la parole d'Allah, etc. et commencer à immiscer notre raison dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est faux. C'est de l'ignorance complète. Hein? La raison, on l'utilise, c'est un bienfait minallah azza wa jal, mais notre raison doit être conditionnée par la législation. Hein? Et si on l'utilise pour méditer sur la création, pour voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ces domaines qui sont limités de la raison. Hein? Et l'ignorance, frère en Allah azza wa jal, c'est une gangrène, c'est le plus grand cancer, c'est une gangrène qui tue. Et comme il est dit dans la poésie de Ibn al-Qayyim, l'ignorance est une maladie qui tue, et son remède est dans deux choses, ils n'ont pas une troisième qui se rajoute à ces deux choses, le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, et ce savant divin digne du nom. Parce que cette science a besoin de ses clés, et les clés sont chez les hommes de science. La science, il a ceux qui en sont dignes, qui sont les hommes de science, chez qui nous devons l'apprendre. Hein? Avant, il est dit que, parmi certains fusels, il disait, la science avant était dans la poitrine des hommes. Hein? Et maintenant, il est dans le livre, mais seulement la clé de cette science qui est dans les livres, sa clé est restée dans la poitrine des hommes. Hein? Donc, pas faire autrement. Comme tu n'apprends pas ton CAP de plomberie ou là de, hein, tout seul, tu es obligé d'aller à l'école et d'avoir des profs, etc. La même chose pour ta religion, frère, en Allah Azza wa Jalla, la science de cette religion. Pas l'apprendre de n'importe qui. Il a une licence d'histoire qu'il a appris dans le, hein, dans les écoles de l'orientalisme, et il veut t'apprendre l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. S'il l'a appris selon les sources, il n'y a pas de problème. Mais s'il te la ramène selon la vision et l'analyse des orientalistes, tu es foutu. Tu es perdu. Hein? C'est pour ça que Salaf il disait, Allah alayhi, alors tête ibn Sirin et autres, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رضوان الله عليهم. Cette religion, c'est-à-dire la science de cette religion, est une science elle-même. Est une religion elle-même. Regardez chez qui vous prenez votre religion. Là, si tu la prends de quelqu'un qui met la raison en avant, et quelqu'un qui soumet la religion à la modernité, etc., tu es foutu. Tu as perdu. Tu t'égares. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يستنكر على الناس تفسير القرآن بحسب أفهامهم وعقولهم. ومن هو أبو بكر الصديق وفي أي زمان كان. Donc أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ne reconnaissait pas le fait, il prenait très mal le fait que les gens expliquaient le Coran selon leur compréhension, selon leur raison. Et à quelle époque il était Omar Abu Bakr Siddiq? La meilleure des époques, la meilleure des générations. فخذ مثلا أحدهم يسمع قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول لك هذا هذه في المسلم الذي أتى بكل فرائض الدين وترك كل المحرمات والمنهيات وهذا يقول له أهل العلم حرام عليك هذا التفسير هل تضمن أن تكون على هذه الحالة هل تضمن أن تلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك et prends par exemple certains entendent cette parole d'Allah qui dit ceux qui ont dit notre souverain, c'est Allah, ils ont pris le chemin droit. Les anges, au moment de l'agonie de la mort, vont venir. N'ayez pas peur. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas attristés. C'est-à-dire que vous n'avez que la bonne nouvelle qui vous attend. Et ce que vous laissez derrière vous, n'ayez pas peur pour eux. Et on vous annonce le paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans le delà. Et il te dit, ce verset, il concerne le musulman qui a ramené toutes les obligations et qui s'est abstenu de tous les interdits. Hein? Il existe là. Ah, dans les ondes de science lui disent, haram alik, t'as pas le droit d'avoir ce genre d'interprétation. Est-ce que tu te garantis à toi-même que tu vas être dans cette situation-là? Hein? Est-ce que tu garantis que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sur cette situation? Ramener toutes les obligations et s'abstenir de tous les interdits. Hein? فهذه الآية في الموحدين والاستقامة نوعان استقامة عقائدية وهي تنطبق على كل موحد واستقامة عملية وهي تتفاوت بين الناس فكل موحد له نصيب من هذه الآية بحسب استقامته وأما يقول إما مستقيم وإما كذا فهذا نتاج حتمي للتطرف في الفساد. Donc ce verset il concerne tous les monothéistes. Et le fait d'être droit dans la religion, la droiture il est de deux sortes. Une droiture au niveau du cœur qui concerne les croyances et une droiture au niveau des actes. Et les monothéismes au niveau de la droiture du cœur, ils l'ont. Hein? Et les actes du cœur, ils l'ont. Hein? Mais au niveau des actes qu'ils font, ça, il y a une différence entre eux, les personnes. Hada, il arrive à jeûner le jeûne du Daoud et à faire des prières surrogatoires هذا il arrive tout simplement à jeûner deux jours, trois jours par mois, les trois jours de pleine lune. هذا il arrive à faire le lundi, le jeudi. هذا il arrive à faire trois rak'at la nuit. هذا il arrive à rien faire. Il fait son witr, il va dormir. Il peut pas. Il n'arrive pas à se réveiller. Parce que s'il se réveille, il va rater le fjar, ou là il va rater le travail, ou là, etc. Hada, il avance dans la science. Hada, il avance dans tel. Il a les moyens pour faire zakat, pour donner beaucoup de fisabilillah, etc. en surrogatoire. Ça, c'est différent, l'istiqama. Les actes qui vont faire de quelqu'un qui est moustakhim dans les actes, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, comment on peut donner telle interprétation? Et certaines personnes disent maintenant, ou c'est la droiture, ou là c'est l'extrême. Et ceci, là, c'est la cause. Évident que ça aussi, sa cause est l'une des causes de le fait d'aller, de voir devant soi l'extrémisme dans la perversité. Ça amène à ce genre de pensée. Ça aide. C'est l'une des choses qui contribue à avancer dans ce genre de situation. On veut voir que blanc ou noir. C'est pas possible. Wa kulluna indama بدأنا ننزع أنفسنا من الانحراف والضلال الذي كنا نعيش فيه وصلنا إلى حالة من اليأس ترى حولك أناسا يتسمون بأسماء المسلمين ولكن أفعالهم كأفعال الكفار أفعالهم كأفعال الكفار Et tout un chacun de nous, quand il a commencé à, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à le guider et à le sortir de la voie de l'égarement dans laquelle il était, quelque part, certaines tristesses et certains pessimismes qui l'habitent, en voyant les actes de ses contemporains parmi les musulmans, va autour de lui des gens qui ont les noms de musulmans, Abdullah, Mohammed, Rachid, Khadija, etc. Mais leurs actes, je dis bien leurs actes, actes de mécréance. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui le pince, un pincement dans le cœur. Sahih, le hukm bil qawani l'wad'iyya, laysa min af'al al-muslimin. Sahih, al-dabhu li ghayrillah, laysa min af'al al-muslimin. Sahih, tabarruj, laysa min af'al al-muslimin. Sahih, hamiyat al-jahiliya, laysa min af'al al-muslimin. Wa sahih, wa sahih. Donc, évident que c'est vrai que le fait de juger avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait pas partie des actes des musulmans. Si le fait d'égorger pour une tombe, ça ne fait pas partie des actes des musulmans. Et le fait de s'exhiber, ça ne fait pas partie des actes des musulmans. Et ainsi de suite, beaucoup d'actes comme ça, tu le vois devant toi dans la société. فَقَوْلُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ أَقْوَالُ الْمُسْلِمِينَ ولكن بعض الافعال التي يفعلونها من ليست من اعمال المسلمين والشاب عندما يلتزم يجد نفسه مضطربا في بدايه الاستقامه يقرا في الكتاب والسنه فيجد شيئا وينظر الى الواقع حوله فيرى خلافه فيقول اما الكتاب والسنه باطل واما هؤلاء الناس ليسوا على الاسلام وهذه نتيجه يصل إليها الكثيرون في بداية إسلامهم واضطروا إليها في النهاية يقولون الكتاب والسنة حق ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين لما؟ لأنه يريد الأمر إما أبيض وإما أسود إما حق وإما باطل فقط donc ils disent لا إله إلا الله محمد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا c'est la parole des musulmans. Certains actes qu'ils font ne font pas partie des actes des musulmans. Ils font partie plutôt des actes des mécréants. Et le jeune, quand il commence, il est débutant dans sa religion, il revient vers la vérité, cela, il se trouve dans un dilemme au début. Au début où il commence à prendre le chemin droit, il est dans un dilemme, il est dans une guerre intérieure. Il lit dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la Sunna des choses, il regarde devant lui c'est le contraire qu'il voit. Il lit dans la biographie des compagnons, etc., une chose, et devant lui, c'est tout un autre monde qui est contradictoire à ce qu'il lit. Hein? Et la question vient à son esprit. Ou le livre, il a une nation fausse, ou ces gens-là ne sont pas musulmans. Et à la fin, il amène vers quoi? Il arrive vers quoi? Non, le livre d'Allah et la sunna sont vrais et ces gens-là ne sont pas musulmans. Voici où est-ce qu'il arrive à la fin. Parce que beaucoup croient que la situation c'est blanc ou noir, vérité ou faux, c'est tout. Hein? Et tout ça pourquoi? L'ignorance. L'ignorance. Et le fait de ne pas, d'en avoir pas maîtrisé les règles et les fondements de cette religion. C'est ce qui amène à ça. Et le fait d'être pressé, vouloir très vite les choses. Et tout un chacun de nous sentait ça quand il a commencé. Hein? Il dit, c'est un passage dans lequel il est passé. ولكن إذا تعلم الشاب وضبط القواعد وعرف الإيمان وعرف أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأن القضية ليست إما أبيض وإما أسود ففيه أبيض مشرب بالسواد وأبيض مشرب بالأحمر وهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فالقضية فيها شيء من النسبة قد تكون قريبا من الإيمان وأدنى إليه وأحيانا ينزل المسلم إلى درجة هو فيها قريب إلى الكفر. Mais quand maintenant le jeune il apprend, il maîtrise les règles de la religion et les règles de l'aqida et qu'il apprend ce que c'est que l'iman, il va savoir que l'iman il est 72 branches comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Plus de 70 branches. Et le sommet de ces branches étant le fait de dire la ilaha illallah. Et le plus bas de ces branches, c'est le plus bas, c'est le fait de enlever un mal sur le chemin. Et entre tout ça, il y a plein de branches de la foi. Hein? Et que la situation, c'est pas noir et blanc. Et que l'être humain, il est faible. Il y a des moments où il a de l'enthousiasme, de l'envie, etc. Mais il va faire beaucoup d'actes de bien. Il y a des moments, hein, c'est arrivé même au compagnon. Une voix, Hamdallah était devant la porte. Il était triste. Abou Bakr Siddiq passe devant lui, il dit, qu'est-ce que tu as, Hamdallah? Il a dit, Hamdallah est tombé dans l'hypocrisie. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand on est à côté du prophète, alayhi salatu salam, on est dans une foi exceptionnelle, et tout ce qu'il nous dit, comme si on y est. Et quand on est avec nos femmes, avec etc., alaykoum salam, rahmatullah, ben, tout change. Tout change. Abou Bakr Siddiq lui a dit, je suis dans la même situation. Nous, on est aussi dans la même situation. Ils sont allés voir le prophète, alayhi salatu salam, et lui ont dit, il a dit, si vous restez, alors ce soir, il a dit, Alhamdallah. Et Alhamdallah a dit au prophète, alayhi salatu salam, nafaqa Alhamdallah, nafaqa Alhamdallah. Alors ce soir, il a dit, qu'est-ce qu'il est? Il lui a conté comment il était quand il se trouve devant le prophète, et comment il devient quand il est chez lui. Et que sa foi baisse. Alors ce soir, il lui a dit, si vous restiez chez vous comme vous étiez chez moi, ben les gens seraient venus vous saluer. Ça te prouve que les situations, il y a des hauts et des bas. La foi, ça augmente et ça baisse. Ça augmente avec quoi? L'obéissance. Ça baisse avec quoi? La désobéissance. Donc ce n'est pas noir et blanc. Ce n'est pas tout simplement noir ou blanc. Il y a du blanc qui est imbibé de noir, un peu de noir. Il y a du blanc imbibé un peu de rouge. Il y a du noir imbibé un peu de blanc, et ainsi de suite. Hein? Et il dit dans le verset, et ce jour-là, ils sont plus proches de la mécréance que de la foi. Donc, les situations sont relatives. Toi, tu peux, avec ta... La personne peut être dans une foi complète, il peut, dans ses actes, être proche de la foi, et des fois, dans certains actes, il peut être proche du contraire de la foi. Hein? Sans tomber dans la mécréance. Mais c'est comme ça. C'est pas blanc ou noir. C'est un vœu. Ou c'est blanc ou c'est noir. C'est tout. L'air à l'islam. Les hauts et les bas existent. Et la foi, c'est ainsi. Ça jongle comme ça. Ça monte et ça descend. Plus la personne, hein, met en application hein, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'authentique de la sunna, sa foi il augmente. Plus la personne hein, néglige et délaisse les ordres d'Allah et l'authentique de la sunna, et sa foi va baisser. ولذلك قال عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذه الايه استدل بها افاضل الصحابه رضوان الله عليهم على وقوع الشرك من المسلم. ولذلك لما وقع الصحابه في بعض الشركيات لم يكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما علمهم وفهمهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فالمشركون يتعلقون بالجمادات أكبر من تعلقهم برب الجمادات، يريدون شيئا محسوسا. تأمل بنو إسرائيل مع العجل، فكلما كان الإنسان أبعد من الإيمان كان تعلقه بالغيب أقل وتعلقه بالمحسوسات أكثر. أما المؤمن فإن من صفاته الذين يؤمنون بالغيب، وهذا أكبر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فالكافر والمشرك يحب دائما المحسوسات، وكلما تعلق بالمحسوسات كلما زاد تعظيمه لها. ومن الله عز وجل il dit dans le verset un certain nombre dans leur foi, ils vont déguiser leur foi avec un certain associationnisme. Ils croient en Allah Azza wa Jal, mais ça va arriver qu'ils tombent dans l'associationnisme. Ce verset, les compagnons l'ont pris, les nobles compagnons l'ont pris, comme quoi le musulman peut tomber dans l'associationnisme. Et c'est pourtant certains nouveaux compagnons sont tombés dans l'associationnisme. Le Rasulullah ne les a pas rendus mécréants, comme l'auraient fait les ministres de tel Khawarij du monde moderne, très vite. Hein? Mais il leur a appris, il leur a fait comprendre la situation. Les nouveaux convertis, quand ils sont sortis avec le Rasulullah, ils sont passés à côté des mécréants. Et les mécréants, ils ont l'habitude de s'attacher aux choses, aux arbres, aux pierres, etc. Il s'agissait d'un arbre autour duquel les mécréants et les associateurs prennent bénédiction et ils accrochent leurs armes dessus. Ils ont dit à Rasulullah, fais-nous un arbre, c'est-à-dire un arbre dans lequel on va accrocher nos armes. Et les associateurs, évident que dans leur esprit, s'accrochent beaucoup à l'inanimé. Plus que du fait de s'accrocher et d'être lié avec Allah Azza wa Jalla, ils se lient à l'inanimé. Ils veulent toujours quelque chose de concret devant eux, et quelque chose qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent voir. Regarde Banu Israël avec le veau. Hein? Et plus l'être humain est loin de la voie, plus son attachement à l'invisible est faible, et sinon inexistant. Et plus il s'accroche à quoi ? Au concret et aux choses devant lui. Quant à la caractéristique principale qui différencie le croyant des autres, c'est sa croyance en l'invisible. Et le fait de croire en l'invisible, c'est l'un des grands piliers de la foi. Et la foi de quelqu'un ne saurait être complète que si il croit en l'invisible. Et le mécréant, ainsi que l'associateur, lui, il s'attache à ce qui est concret, à ce qu'il voit, à ce qu'il peut toucher. Et plus il s'attache au concret, plus il le vénère encore plus. Wallahu azza wa jalla yaqbalu illa ad-din al-khalis. Illa ad-din al-khalis. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que la religion pure, la religion qui est faite sincèrement pour Allah. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اخلاص كامل توحيد كامل وميل عن الشرك والكفر بانواعهما هذا الذي يقبله الله ولا يقبل غيره. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte que la religion qui a été accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, et il aura été ordonné d'adorer Allah sincèrement dans leur religion et qu'ils soient monothéistes, soient détournés de l'associationnisme. Hanif, monothéiste et détourné de l'associationnisme. Une sincérité complète et un monothéisme complet. Et le fait d'être détourné complètement de l'associationnisme et d'être loin de la mécréance dans ces deux formes, la grande mécréance et la petite mécréance. Hein? C'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et aussi d'être loin du petit associationnisme qui est quoi? Qui est l'ostentation? Parce que quand il rentre dans un acte, il va l'anéantir. L'ostentation, comme il rentre dans un acte, il va le rendre nul dans l'acte dans lequel il est. Mais quant au grand associationnisme, ouais, il annule tous les actes. Il n'y a plus rien qui va avec. Même si c'est hein, des montagnes d'actes. Tu vois leur père, comment il s'appelle, Hada? Emmaüs, Hada. Hein? Leur père Hada et leur mère des lépreux et l'autre mère d'Hada. Ben, si ils meurent, ils sont morts sur la Trinité, tout ce qu'ils ont fait, à rien. De la poussière, du vent, du pipeau. Qu'il t'arrive pas à classe, oui, mais ils ont fait beaucoup de bien. Ils ont été payés, les craintes. Ils ont été payés dans ce bas monde. Leurs photos étaient partout. On leur a mis les tapis rouges. On les a rossés dans les palaces. On les a rossés chez les présidents. Ça y est, ils ont eu leur paye. Hein? On leur a fait des bises sur des plateaux de télé. Ils ont dit non, il n'y a aucun mal, il n'y a rien qui l'interdit. Hein? Donc, mais les actes, peu d'actes, dans la sincérité et dans le monothéisme, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala va ramener plus qu'une montagne d'actes qui sont accompagnés, qui sont accomplis avec l'associationnisme. فالمشركون في المعارك أول ما ينزلون في مكان يأتون إلى شجرة ويقولون هذه بركتنا ثم يعلقون فيها أسلحتهم ذات أنواط هكذا يسمونها شركا بها لذلك تجد دائما جيوش الكفر والإلحاد منهم من يتعلق بتميمة ومنهم من يعلق فتلة ومنهم من يعلق خشبة وإذا بعدت عنه قال فقدت حظي وكذلك من يعلق خميسة ومن يعلق صفحة ديال الحمار والذي ديال البغل هذا حتى تراه في بداية كرة القدم ترى هذا الحارس يأتي إلى المرمى يعلق فيه شيء سبحان الله ولا الآخر يأتي ويلبس خيط في يديه Donc les associateurs dans les batailles autrefois, quand ils descendaient à l'endroit, ils choisissaient toujours un arbre dans lequel ils croyaient qu'il y a de la bénédiction pour attacher leurs armes. Et parce qu'ils s'attachent à l'inanimé. Et ils l'appellent Dato Anwat. Parce qu'ils l'associent, ils lui voient un culte. Ils croient qu'il leur donne la bénédiction. C'est pour ça aussi que tu trouves les armées de la mécréance un petit peu partout, même dans le monde moderne. Hein? Hein? La Trinité, la croix, avant de commencer, avant de prendre l'avion, etc., avant de se diriger. Mais là où ils se dirigent, certains accrochent des petits bracelets autour de la main qui sont préparés. Hein? Le voodoo hein? De la région, d'autres des petits gris-gris, d'autres un symbole, c'est le symbole du trident là, comme la déesse de la mer, et vas-y, ça n'en finit pas. D'autres des bouts de bois dans lesquels ils ont tout leur espoir dans ce bout de bois, et quand ils perdent ce genre de choses, j'ai perdu mon fétiche. J'ai perdu, ce qui me ramène, ma chance et tout. Ah ben c'est ta chance, elle est dans ce morceau de bois, tu es perdu. Hein, que... Trouve aussi certains, la main, ce qui dit la main de Fatma. la main de Fatma. Il n'a rien de Fatma avec la main. Plus cette main, il nous vient d'une époque qui est une époque noire. Il nous vient des Ubaydiyoun, haoulaï al-Khubatha, Rafida, Khubatha, Batiniyoun. C'est eux qui ont introduit ça. Comme ils ont introduit aussi les fêtes d'El Mouloud. Et ces Rafida et ces Khubatha ont régné sur le Maroc. À un moment donné, après, le royaume s'est étalé plus, ils ont resté plus de temps en Égypte. Jusqu'à ce que Salah ad-Din, l'Ayyoub, rahimahullah, Saladin, celui qu'ils appellent Aladin, les a anéantis, il les a sortis de l'Égypte, il les a exterminés. Ils ont massacré les hommes de la Zunna. Et avec la conquête, avec le fait que Salah ad-Din les a vaincus, il les a exterminés, commençait à ramener des hommes de la Sunna d'un petit peu à travers le monde musulman connu pour qu'ils puissent refaire revivre la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala fait que par l'intermédiaire des batailles de cet homme, la Sunna est revenue en Égypte. Sinon, l'Égypte serait perdue s'il n'y avait pas la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ces batailles qu'a fait Salah ad-Din avec contre ces Khubata d'Yarraf et d'Al-Ubaydiyoun. Et il massacrait les musulmans d'un massacre énorme. Il prenait les cadavres de chiens et de chats. Il les crucifiait. Et devant les mosquées d'Yel Sunna, il leur dit insulter. Abou Bakr insulter, Uthman insulter, insulter. Un avilissement total. Et un rabaissement pas possible. Et c'est d'eux que nous tenons le Khumisa. Et c'est d'eux que nous tenons, hein, que par leur intermédiaire qu'il est arrivé les fêtes d'Yel Mouloud, etc. Donc cette Khumisa, tu demandes à ta mère de la mettre aux toilettes et de tirer la chasse d'eau. Il ne peut rien pour elle. Hein? Et regarde son origine d'où il vient. La main de Fatma. Certains accrochent aussi, hein, le fer à cheval. Allez, tu dis, mais c'est une grande valeur. Il est en or. Déjà, l'or est haram pour les hommes. Pourquoi tu le mets? L'autre est là en argent. L'autre est là en or blanc. Et ainsi de suite. Vas-y, t'as. L'autre, carrément, il a un fer à cheval, là, un fer à mulet, mais qu'il est rouillé. Dès que tu rentres chez lui, c'est la première chose que tu vois, c'est lui. D'autres, leur espoir sont accrochés à du blé tressé, pour avoir la fécondité à la maison, tu vois, hein? Du blé tressé, hein, et accroché et séché. Alors, il y a derrière des croyances et des superstitions. C'est un fétiche, il n'est pas accroché là pour rien. Et c'est des croyances qui remontent très loin dans les temps anciens, dans les temps pré-islamiques. Et des fois, ils remontent même avant. Hein? Et des fois, même tu les vois. Hein? Ces joueurs qui touchent 600 000 euros, etc. Regarde leur fétiche. Un, il vient vers la, hein? La boîte là, celle du gardien de but, il accroche un truc. Lorsque juste au moment où il va rentrer, ben, il met, hein, le bracelet. Tressé, blanc, jaune, noir, etc. Il l'a eu d'un voodoo brésilien ou autre. Si tu veux tout le temps gagner, la mettre directement dans le but. Vas-y, mets-le au moment où tu rentres. L'autre gars, pour gagner une fois, pour gagner le président de la République ici, Chirac, il a embrassé, pour qu'il puisse gagner, il a embrassé la tête ici de ce gardien du but chauve, pour la bénédiction. Hein? Et bon, t'as, vas-y. Les gens, à quoi ils s'attachent? Du concret. Tu as celui qui n'est pas attaché à Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'attache à n'importe quoi. Hein? Subhanallah. Yu'minuna bi khashaba, wa yu'minuna bi khumisa, wa bi khayt. Khayt yajlub lahum al-hadd, yamna anhum al-ayn, kama yiz'umun, yaruddu anhum al-hasad, kama yaqulun. Wa hadha kulluhu min ash-shirki. Wa lidhalika ja'a fi al-hadith as-sahih man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Hein? Regardez comment les gens, à tel point ils sont, même dans le monde civilisé. Hein? Ils s'attachent à un bout de bois. Et tu dis, ce bois-là, tu ne sais pas d'où il vient. Ils s'attachent à cinq doigts en fer, ou là en or, ou là, etc. Ils s'attachent à un fil pour leur ramener la chance, comme ils prétendent, pour les protéger de l'œil, pour les protéger de la jalousie, comme ils prétendent. Et tout ça, c'est de l'associationnisme, comme il est dans le hadith authentique, celui qui accroche une tamima, ben il est tombé dans l'associationnisme. Il a associé. Parce que le fait de croire que ce bout de chiffon ou là, ce bout de fer va te protéger, bah, la protection vient de qui? D'Allah Azza wa Jal. Al-Hadar, al-Hadar. قد يشرك الانسان بلفظ يقوله وهو غير قاصد الله. Il faut faire très attention. Des fois, l'être humain peut commettre l'associationnisme avec une expression, il ne le veut pas. Il ne veut pas tomber dans l'associationnisme. Mais des fois, des expressions, telles qu'il porte l'associationnisme dedans. Et la personne les dit. Et قد يشرك بالله بفعل وهو لا يقصد الفعل. ولا يقصد الشرك. Voilà, personne ne peut tomber dans l'association alors qu'il ne veut pas, par un acte, qui est un acte d'associationnisme, et il l'amène à l'associationnisme, et lui, il ne veut pas. Il ne le fait pas exprès. Ce chapitre est un chapitre très dangereux. C'est obligatoire pour nous d'apprendre le monothéisme. Et d'apprendre son contraire et ce qu'il annule, qui est l'associationnisme. Il faut que nous allions chercher les assises dans lesquelles on demande la science du monothéisme, la science des croyances et la science de la religion. فَطَرِيقَةُ الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَهْدِينَا بِالْفِطَرِ لَكِنْ لَهَا طَرِيقٌ وَهُوَ الْوَحِي. والوحي قد انقطع بوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبقي علمه وهو ميراث الأنبياء وورثته هم العلماء فالعلم ميراث النبي كذلك أتى في النص والعلماء ورثوه ما خلف المختار عليه الصلاة والسلام غير حديثه صلى الله عليه وسلم فينا فذاك متاعه وأتاته. Donc, on Allah عز وجل. Et la voie de la guider, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés avec la fitra qu'il a fait en nous, fait que nous sommes nés à accepter la vérité et le monothéisme, mais la guider aussi a besoin d'autre chose, d'une autre voie, qui est la révélation. Et la révélation, il n'y a plus de révélation après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Il reste la science de cette révélation. Et la science qu'a légué Mohammed a.s. qui est l'héritage des prophètes a.s. Et il reste les héritiers des prophètes a.s. qui sont les hommes de science dignes du nom. Donc la science, c'est l'héritage du prophète a.s. C'est comme ça que ça a été rapporté dans les textes authentiques. Et les hommes de science, ce sont les héritiers de cet héritage. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé derrière lui. Il n'a pas laissé un sou, ni une terre, ni quoi que ce soit, mais il a laissé la science du livre, la science de la sunna. C'est le seul héritage qu'il a laissé. فَهَذَا وَمِيرَاتُ النُّبُوَّةِ وَالْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Ça, la science du livre et de la sunna, c'est l'héritage qu'ont laissé les prophètes alayhi salatu wassalam. Et les héritiers de cet héritage, ce sont les hommes de science. Et il n'y a aucun doute, aucun prophète n'a laissé derrière lui un sou ou une terre. Mais ils ont laissé tous la science. Et celui qui prend la science, il a pris la plus grande part du bien. فَعَلَيْكَ أَخَ الْإِسْلَامِ أَنْ تَكُونَ حَارِيصًا عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَأَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَأَنْ تَجْلِسَ فِي حِلَقِ الْعُلَمَاءِ وأن تطلب العلم عليهم وعليك بالتوحيد أولا فهو أهم من الصلاة وأهم من الزكاة وأهم من الحج وأهم من الصيام وأهم من كل شيء لأن هذه الأعمال كلها تبنى على التوحيد وإن لم تبنى على التوحيد فلا تكون صالحة. أن الله عز وجل il faut que tu aies le souci et que tu t'acharnes à connaître la vérité. Et le souci de connaître la vérité, il faut que tu prennes ton pactage, comme tu as usé ton pantalon sur les bancs des écoles de la laïcité, que tu aies usé tes kamis devant les hommes de science pour apprendre ta religion, pour apprendre le monothéisme, pour apprendre tout ce qui a rapport avec ta religion, et surtout le monothéisme, parce que le monothéisme est beaucoup plus important que la prière, que le jeûne, que la zakat, que le hajj. Et ces piliers qui sont très importants de l'islam, s'ils ne sont pas basés sur le monothéisme, ils sont non valides. C'est la base de tout. وَإِذَا لَمْ تُتَحْ لَكَ الْفُرْصَةُ لِلْدَهَابِ إِلَيْهِمْ فَعَلَيْكَ بِأَشْرِطَةِ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ كَابْنِ بَازٍ وَالْعُثَيْمِينَ وَالْأَلْبَانِ وَالْفَوْزَانِ ومحمد أمل الجامي رحمهم الله تعالى والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبيد والشيخ ربيع وغيرهم من أئمة الدين الأحياء ولا تبقى مكتوف اليدين Et si t'as pas l'occasion, et t'as pas la possibilité d'aller vers les hommes de science, au moins, acharne-toi à écouter les cassettes des hommes de science dignes du nom. Ces hommes de science qui ont défendu et qui ont propagé cette science du livre, selon la voie du puiseur d'Allah Alem, que ce soit au niveau, acharne-toi à écouter leurs cassettes au niveau de l'aqida, au niveau du tawhid, au niveau de la jurisprudence. Et appuie-toi sur les grands, Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Cheikh Ubaid, etc. La tête, va chercher la tête. Va pas chercher les têtes d'affiche qui viennent de naître, parce que tu sais pas où est-ce qu'ils vont t'amener. Les têtes, Huma, ça y est. Et surtout les trois grands, Al-Albani, Rahimahullah, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, là, ça y est, tu prends, et là tu vas mettre en application l'un des conseils d'Abdullah ibn Mas'ud qui a dit prenez des morts, car les morts, vous n'allez plus être perturbés par eux. Leur fitna est terminée. Hein? Quant au vivant, un jeune, prêcheur, tu ne sais pas après où est-ce qu'il va tomber, comment il va être. Mais Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, ils sont arrivés au sommet de la science, rien n'a changé. Et regardez parmi leurs élèves comment ils sont devenus. Hein? Et je te le répète encore une fois, chasse, qu'avec l'héritage que tu as de Ibn Baz, de l'Uthaymeen et de l'Albani, si tu veux vraiment étudier, tu as pour 20 ans. Entre les livres et les cassettes. 20 ans. Ça a été comptabilisé. Il te faut 20 ans à l'islam. Pourquoi perdre du temps avec les minus? Et t'as les grands. Et ces minus souvent, qu'est-ce qu'ils te disent? Ibn Baz a dit. L'Albani a dit. L'Uthaymeen a dit. Hein? Bah, au lieu qu'il te ramène son grain de sel dedans, bah va directement toi à Ibn Baz, Ibn Uthaymeen et à l'Albani. Il n'y a que de là où il te ramène. Bah va directement à ça. Et perds pas de temps. وإذا لم تكن ممن يتقن اللغة العربية فاجتهد في إتقانها وتعلمها واستمع إلى دروس بلغتك حتى يمن الله عليك باللغة العربية ولكن استمع للمعروفين بالعقيدة السلفية وبالمنهج السلفي الصحيح ولا تضيع وقتك في مواقع الأحباش والإخوان المفلسون والصوفية والتكفيريون والياسينيون وغير هؤلاء من أصحاب البدع والمناهج المنحرفة الضالة البعيدة عن منهج السلف. Et si tu fais partie de ces gens qui ne maîtrisent pas l'arabe, qui n'ont pas l'arabe, acharne-toi à apprendre l'arabe. Il donne du temps à cette langue qui est la langue de ta religion. Il est la langue de ton prophète, alayhi salatu wasalam. Il est la langue de la dernière révélation. La dernière parole d'Allah révélée aux gens, c'est la langue arabe. Apprends-la pour Allah. Apprends-la pour être bien avec le livre d'Allah. Et pour... Apprends-la pour l'amour que tu as pour Muhammad, alayhi salatu wasalam. Et en attendant, tu t'aides avec les cours qui sont donnés dans ta langue, le français ou autre. Mais ces cours-là, tu ne les prends pas de n'importe qui. Tu les prends de ceux, des du'at et des prêcheurs qui sont connus dans la voie d'El Salafia, et qui sont connus pour leur Salafia, et qui sont connus d'avoir une aqida qui est authentique, et qui sont dans la voie droite, dans la voie de leur puiseur, d'Allah alayhim. Il ne va pas traîner dans les sites d'El Ahbash, et non plus chez Sofia, non plus chez les Tkfiri, non plus chez les Yassinites, et non plus chez les Ikhwan. Tout ça, ce sont des groupes de l'innovation et des groupes qui sont égarés et qui sont loin de la voie du puiseur d'Allah Alim, tu vas plus te faire de mal qu'autre chose. Et parmi, pour les frères francophones, les frères qui donnent cours maintenant, et que tu peux prendre sans aucun problème, ben tu es Cheikh Abdelmalek Ramadani. Il arrive des fois de donner des cours en français. Au moins, si tu as des problèmes à résoudre, etc., très rapidement, tu peux l'appeler au téléphone. Tu es Cheikh Chalabi, deux fois par semaine, sur, ou trois fois, je crois, par semaine, sur Paltalk. Et tu as notre frère Ammar sur le site, sur le salon repère de la Sunna. Tu as le frère Abdelmalek Al-Faransi sur le repère de la Sunna. Tu as notre frère au Canada, le frère Haïti Abou Suleiman. Tu as le cours de notre frère Abbas Abou Layth. Tu as le frère Abou Anas de la région parisienne. Le frère Sidati et autres. Tu as de quoi faire. Tu n'as pas t'as de quoi faire avoir quelque chose sous tes dents. Mais tout ceci, toutes ces traductions, tu les prends comme une béquille. Il faut que tu ailles vers l'arabe. Il faut que tu apprennes l'arabe. Pas que tu t'endors 10 ans sur les courants en traduction. Il faut qu'un jour, tu lâches ces béquilles et tu marches droit. Parce qu'à l'origine, tu dois marcher sur tes pieds. Et donc, cette traduction, tu la prends comme des béquilles. Mais il faut que tu en débarrasses très vite. فَالْحَذَرْ أَخَ الْإِسْلَامِ وَاسْمَعُوا هَذَا الْكَلَامِ نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ بْنُ بَازِ نقل عن الشيخ ابن باز أن أحد المصريين سأله حتى تعلموا خطورة الشرك وخطورة إهمال التوحيد وتعلم التوحيد ونص السؤال كالتالي حج حاج من مصر فلما قضى حجه وعاد إلى بلده تذكر أنه لم يطف طواف الإفاضة أو الوداع فلما عاد إلى مصر قال له البعض يجزئك أن تطوف بقبر السيد البدوي فلا هذا يجزئ عنه وهل له حج فأجاب رحمه الله وقد انهمرت الدموع من عينيه هذا لا نقول فيه لا حج له هذا لا إسلام له هذا طبعا يقول أهل العلم هذا يدافع له فعل ذلك وهو معتقد أن أنه يجوز له الطواف بقبر هذا المقبور أنه يجزئ عن طواف البيت maintenant frère Allah عز وجل il faut faire très attention écoutez cette question qui est arrivée à Cheikh Ibn Baz rahimahullah un certain égyptien a demandé ici pour voir l'énormité de l'associationnisme et l'importance d'apprendre le monothéisme et d'apprendre aussi ce que c'est que le l'associationnisme pour ne pas y tomber. Et le texte, il dit, un homme a fait son pèlerinage, un égyptien a fait son pèlerinage, et quand il a terminé son pèlerinage, il est revenu chez lui, et il s'est rappelé qu'il n'a pas fait soit tawaf al-ifada, soit tawaf al-wada. Quand il est revenu en Égypte, on lui a dit, ça te suffit de faire tawaf autour de la tombe d'Al-Badawi. Le Badawi, c'est un zindiq. Parmi les zindiqs d'Yal Ubaidiyin. Est-ce que ça lui suffit? Est-ce qu'il a un pèlerinage? Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, les larmes coulaient de ses yeux. Il disait, celui-là, on ne dit pas qu'il n'a pas de pèlerinage, mais il n'a pas d'islam. Et surtout, si il s'accompagne avec cet acte, le fait de croire qu'il est permis de faire le tawaf autour de cette tombe comme on le fait autour de la Kaaba. Enfin, la situation est très dangereuse. Il faut, le monothéisme, il faut le maîtriser. Il faut l'apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'étudier le monothéisme. Le monothéisme, ce n'est pas un sujet que tu étudies maintenant et tu le laisses de côté et tu pars étudier autre chose. Là, il y a l'islam. Le monothéisme doit t'accompagner dans tout ce que tu fais, dans tout ton apprentissage, toute ta vie. C'est pour ça que ton regard doit être tout le temps sur les livres du monothéisme. Que ce soit les chapitres dans les livres de la Sunna qui ont rapport avec le monothéisme, que ce soit les livres qui ont été écrits directement dans le monothéisme. فسال الله العظيم البلاش العظيم من جلني وإياكم الذين يستمعون قوله ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا